L'Épître aux Hébreux. Avant d'aborder l'Épître aux Hébreux, je voudrais que nous lisions une phrase du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, le verset 1er. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Ce texte biblique mentionne deux communautés distinctes, les hellénistes et les Hébreux. Les hellénistes étaient des juifs fortement influencés par la culture grecque. Ils vivaient en dehors de la Palestine et ne se rendaient à Jérusalem qu'occasionnellement, par exemple pour une fête religieuse. Les Hébreux, quant à eux, habitaient le pays et s'exprimaient en araméen, langue proche de l'hébreu. Après la prédication de la Pentecôte, les convertis s'étaient groupés et c'est ainsi que plusieurs églises s'étaient développées en Palestine. Or, l'Épître aux Hébreux s'adresse précisément à ces juifs convertis. Après toutes les lettres apostoliques envoyées aux églises nouvellement fondées un peu partout, n'était-il pas normal que ces chrétiens reçoivent aussi les encouragements dont ils avaient besoin? C'était d'autant plus important que le centre spirituel du christianisme paraissait s'être déplacé de Jérusalem vers Antioche et même ailleurs par la suite. L'Épître aux Hébreux n'est pas signé. Diverses suppositions ont donc été émises quant à son auteur. On a pensé que Barnabas, le compagnon de Paul, acte 13, 1 à 2, ou Apollos, homme éloquent et versé dans les Écritures, acte 18, 24, pouvaient avoir rédigé ces 13 chapitres. Mais donnons-nous la peine de lire les derniers versets de l'Épître. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Ces mots n'évoquent-ils pas la situation particulière de Paul, prisonnier à Rome? Et toute l'Épître ne rappelle-t-elle pas l'érudition du grand docteur en théologie, instruit avant sa conversion au pied du savant juif Gamaliel? L'apôtre Paul était donc particulièrement bien placé pour comprendre les problèmes théologiques des Israélites convertis. Paul avait une connaissance approfondie de l'Ancien Testament et l'Épître aux Hébreux ne contient pas moins de 165 citations textuelles de l'Ancien Testament. Aussi, nous rallions-nous au commentateur biblique qui lui attribue la paternité de cet épître, ce que du reste les pères conciliaires de Carthage affirmaient déjà en l'an 419. Il est assez difficile de déterminer la date de rédaction de cet épître. Si Paul l'a effectivement écrite, lorsqu'il était en prison à Rome, elle est postérieure à l'an 60, et elle semble avoir été rédigée avant l'an 70, date de la destruction du temple de Jérusalem, car lorsque l'auteur traite des sacrifices rituels que l'on offrait au temple, il parle au temps présent. Tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices. Hébreux 10, 11. De toute évidence, pour que l'auteur s'exprime ainsi, le temple se dressait encore dans toute sa splendeur à Jérusalem. Mais environ 30 ans après la Pentecôte, quelles étaient les circonstances particulières des chrétiens hébreux et à quelles difficultés devaient-ils faire face? L'opposition du judaïsme, virulente au début, avait pris une autre forme, plus subtile celle-là. Le mélange et les compromis s'étaient infiltrés jusque dans l'Église. Certains juifs demeuraient attachés au temple et au rite lévitique, tout en prétendant adhérer au christianisme. D'autres cherchaient à concilier la loi de Moïse et la grâce de Christ. D'autres encore s'opposaient ouvertement à l'Évangile au nom du judaïsme. Aussi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse-t-il non seulement aux convertis désirant marcher avec le Seigneur, mais aussi aux indécis, aux rétrogrades. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Hébreux 4, 1. En d'autres passages, il fait même allusion aux incrédules. Hébreux 3 et 4, et aux apostats, Hébreux 6, 4 à 8 et 10, 26 à 31, c'est-à-dire à ceux qui, ayant entendu le message de Christ, avaient résisté à son appel et s'étaient détournés, parce qu'il n'avait pas voulu se convertir. Mais l'auteur de l'Épître a reçu de la part de Dieu un message qui concerne tous ces Hébreux, tant les incrédules ou les rétrogrades que les chrétiens sincères. Il montre à tous la supériorité de ce que l'on trouve en Christ, notre souverain sacrificateur. Le mot clé de cet épître est le terme grec « chryson », alternativement traduit par « meilleur, mieux, plus excellent », et qui se trouve une dizaine de fois dans ces 13 chapitres. Lorsqu'il cite l'Ancien Testament, l'écrivain sacré montre par exemple que le tabernacle, ce temple portatif des Israélites au désert, n'était que l'image, l'ombre des choses célestes maintenant révélées, Hébreux 8.5. Il se réfère à l'ancienne alliance pour expliquer qu'elle devait être remplacée par une nouvelle combien supérieure. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Hébreux 8.7. Il ne jette pas le discrédit sur la loi de Moïse, mais il prouve aux observateurs de cette loi que Dieu l'a donnée pour un temps jusqu'à une époque de réformation. Hébreux 9.10. Et c'est ainsi que toute l'Épître est traversée par cette notion de supériorité de la grâce sur la loi, du tabernacle des choses célestes sur le tabernacle de Moïse, de la nouvelle alliance sur l'ancienne, du sacerdoce de Christ sur celui du sacrificateur Aaron. Quelques exemples. Jésus-Christ est supérieur aux anges, chapitre 1er, aux hommes, chapitre 2, à Moïse, chapitre 3, à Aaron, chapitre 4 et 5. Et parce qu'il est supérieur à Aaron, il est semblable à Melchizedek, ce roi de justice et de paix qui apparut à Abraham, chapitre 6 et 7. Et si Christ peut proposer une nouvelle alliance préférable à l'ancienne, c'est qu'il s'est offert comme suprême sacrifice infiniment supérieur aux victimes égorgées dans le tabernacle, chapitre 9 et 10. De plus, n'est-il pas à l'origine de la foi qui animait les héros de l'Ancien Testament, ces héros comme Abel, Enoch, Noé, Abraham et tant d'autres, qui ont cru d'avance au sacrifice de Christ, chapitre 11. Or, cette foi des vainqueurs d'autrefois est encore donnée en partage aux croyants des derniers temps. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui est l'initiateur de la foi et qui la mène à son accomplissement. Chapitre 12, versets 1 et 2. Et c'est ainsi que Christ assure aujourd'hui aux chrétiens affermissement et sanctification. Chapitre 12. Nous pouvons marcher selon cette foi parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chapitre 13. La lecture de l'Épître aux Hébreux ne nous plonge donc pas dans un système et ne nous écrase pas par un déploiement de doctrine. Elle nous introduit auprès d'une personne, Christ lui-même. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toute chose par sa parole puissante. Hébreux 1, 2 à 3. La révélation du Fils de Dieu remplit littéralement cet épître. Il nous y est présenté comme supérieur aux anges. Chapitre 1, versets 4 à 14. Couronné de gloire et d'honneur. Chapitre 2, verset 9. Il est le prince de notre salut. Chapitre 2, verset 10. Le Fils fidèle sur sa maison. Chapitre 3, verset 6. Qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Chapitre 5, verset 7 à 8. Il est le Fils parfait pour l'éternité. Chapitre 7, verset 28. Et il est aussi notre souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur rendu semblable en toutes choses à ses frères. Chapitre 2, 17. Il occupe présentement le trône de la grâce dans le ciel, chapitre 4, versets 14 à 16, et il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Chapitre 7, verset 25. Christ, notre souverain sacrificateur, a traversé un tabernacle plus parfait que celui des Israélites où officiait Aaron, chapitre 9, et il s'est livré en offrande parfaite à la place des victimes sacrifiées pour le sacerdoce lévitique, chapitre 10. De plus, Christ, qui n'est pas seulement fils et pas seulement sacrificateur, est aussi l'initiateur de la foi, celui qui l'amène à son accomplissement. Chapitre 12, verset 2. Le médiateur de la nouvelle alliance. Chapitre 12, verset 24. Et le grand berger des brebis. Chapitre 13, verset 20. C'est-à-dire le chef de l'Église universelle des croyants. On raconte que le célèbre chef d'orchestre Toscanini exerçait sur ses musiciens une autorité tyrannique. Il excédait parfois ses subalternes en multipliant les répétitions parce qu'il n'était jamais satisfait. C'était la préparation de la 9e symphonie de Beethoven et l'orchestre y avait travaillé pendant des mois. La tension était à son paroxysme en ce jour précédant l'exécution publique. Tandis que les musiciens accordaient leurs instruments, le premier violon souffla à l'oreille de son voisin. « S'il se fâche encore cette fois, je le précipite en bas de la scène. » La symphonie fut brillamment jouée. Jamais l'on n'avait atteint un tel degré de perfection. Après le dernier accord, il y eut un instant de silence. Puis Toscanini s'adressa à ses musiciens et à ses choristes. « Qui suis-je ? Qui est Toscanini ? Qui sommes-nous ? Je ne suis rien. Vous n'êtes rien. » Puis il éleva les bras et s'écria « C'est Beethoven qui est tout, absolument tout !» Alors, dans une grande émotion collective, les solistes, les choristes et tous les musiciens se joignirent à l'enthousiasme du maestro et applaudirent avec frénésie. Nous ne sommes rien. Je ne suis rien. Mais Jésus-Christ est tout, absolument tout. Puissiez-vous le découvrir tout à nouveau en lisant ou relisant cette merveilleuse épître aux Hébreux que Jésus-Christ remplit de la première à la dernière page, et que Jésus-Christ soit tout pour vous, absolument tout.